engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. La Maison des femmes de Québec, les éditions Intervention, Maison de la famille de Québec, les jardins communautaires du Mont des Lilas. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Chères auditrices et chers auditeurs, vous êtes à l'écoute de l'émission Terra Incognita, de la bonne musique d'une durée de 2 heures avec le choix de Jean-François. Vous êtes accompagné de France et de Jean-François. Je suis au micro cette semaine en l'absence de Bruno et Jean-François va faire la mise en onde. Fait que dans un premier temps, on va écouter une pièce du nouvel album de Richard Schoblum, Gunfly, son plus récent CD. On va entendre la pièce Traveler de l'album Alone Together, Solitaire. Je continue, tu sais? In touch with you too. There's still a fire burning in my heart. I feel it stronger than ever now. At the altar of love, I will bow down, down, down. Where will I go? What will I find? My experience. experience tells me that I'm lost. I feel it stronger than ever now. Want it to end, but I don't know how. Let the darkness come. I'm ready to succumb to what hides within.

question. Why has it all got to be so heavenly love, heavenly love, heavenly love, heavenly love? CKRL 89.1. Des questions et des réponses sur la COVID-19. Pourquoi doit-on respecter une distance de 2 mètres? La COVID-19 se transmet principalement par le contact avec des gouttelettes contaminées. Lorsqu'une personne infectée parle, tousse ou éternue, les gouttelettes peuvent être projetées jusqu'à une distance de 2 mètres et atteindre des personnes à proximité. Ou encore se déposer sur des surfaces et des objets où le virus peut survivre de quelques heures à quelques jours. Bien se protéger, c'est aussi bien protéger les autres. Un message du gouvernement du Québec. Des questions et des réponses sur la COVID-19. Pourquoi porter un masque si on se sent bien? Même si elle ne présente pas de symptômes, une personne infectée peut être contagieuse et transmettre le virus à d'autres personnes. Le port du masque ou du couvre-visage permet de se protéger les uns les autres. C'est pourquoi on doit obligatoirement le porter dans tous les lieux publics, comme les commerces, épiceries et restaurants, ainsi que dans les transports en commun. Bien se protéger, c'est aussi bien protéger les autres. Un message du gouvernement du Québec. Les élèves du Conservatoire d'art dramatique de Québec présentent Confrérie de parole, un montage de Cendre de Caillou et du Langue à langue des chênes roches de Daniel Danis, dans une mise en scène de Gilles Champagne. Parce que la beauté des arbres me blesse. Les habitants d'une île isolée se rassemblent pour relater les faits de plusieurs tragédies. Ma femme était morte en mai. Comme au début de l'humanité. Je veux créer la vie. Ça t'arrive de rêver à notre mère. On y découvre à travers leurs rituels l'histoire et la poésie de ces personnages torturés et en mal d'amour. Au secours d'amour. Présenté du 13 au 18 octobre au Théâtre du Conservatoire, au 13 rue Saint-Stanislas. Rendez-vous sur la page Facebook pour plus de détails. Toi qui viens de mon ventre, ressens-tu la même chose? Sur une île, on s'en séparait. Maman, tout seul. Choisir ÉricLamirande.ca, c'est miser sur l'expertise de Éric Lamirande ainsi que sur son équipe de collaborateurs professionnels. On vous offre des services de consultation, accompagnement et formation dans les domaines suivants. Marketing web et réseaux sociaux, commerce électronique, virage numérique et outils technologiques d'affaires. Pour les travailleurs autonomes, les petites entreprises, les organismes et l'économie sociale. Notre but, vous aider à avancer et vous rendre plus autonome. Contactez-nous au 418 454 1019 ou à ericlamirande.ca. CKRL, c'est la culture artistique, musicale, mais aussi entrepreneuriale, politique, environnementale et sociale. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. Monnaie locale complémentaire Québec. Production Rhizome. Festival de cinéma de la Ville de Québec. Société de la Rivière-Saint-Charles. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Terra Incognita au 89,1 à CKRL. Vous avez entendu la dernière pièce, c'est de l'album Live at the Run House, la pièce Interstellar Overdrive de Nick Manson, Suckerful of Secrets. Nick Manson a pris des reprises du début de Pink Floyd, des anciennes pièces. Le spectacle s'est passé, je crois, l'année dernière à Montréal. Ensuite, vous avez entendu le groupe Alcantara, la pièce Fate Solitaire. C'est un groupe de la Sicile. C'est un groupe italien en style anglais. C'est psychédélique, space rock. Ils ont un seul album et, comme on a entendu, une inspiration de Pink Floyd. Et la première pièce que vous avez entendue à l'émission, c'est la pièce Traveler de l'album Alone Together de Richard Soblum Gunfly, un artiste que j'apprécie beaucoup. Dans le deuxième bloc, vous allez entendre le Code 18, la pièce Wasps de l'album Human Error. Dans un deuxième temps, Opet, The Wild Flowers de l'album Garden of Titan, et ensuite de Anima Morte, la pièce Il Grandi Silenzio de l'album Cani Arabiati Opening Theme. Excusez, mais j'ai pas. C'est le suédois, fait que je suis pas certaine. On va être à l'écoute? Oui. Oui? J'ai pas détaillé, mais j'ai détaillé. My Thank you. moments. Hours seem like seconds. Her life is magic for me. Changing me, transforming me. Apart. So back home, I decide to change my life. Her perfume filling my mind, unfading memory. Stop wasting our blue treasure. Is it too little? Too late? Washed down from the on a funeral pyre. Should I speak and they'll call me a liar? I'll retreat to my funeral pyre. Thank you.

Thank you. the world has become so alone. No one to help with this fight. The people must fend for themselves. Governments do what is right. The enemy here is so new. Just when we win, it mutates. Now all the eyes turn to you. Remember, there's no time to wait. We can't let go. It won't let go. It's time to go. Like a child that's left alone, the world is falling down, never to return. Like a broken soul outside, time is running out. What should we do now? Solution is here plain to see. Always so wrong to them all. Constantly pointing it out. Refusing to answer the call. Surely the day must arrive. All of the battles will end. Return to a false way of life. Back to the life you pretend. We can't let go. It won't let go. It's time to go. Like a child that's left alone, the world is falling down, never to return. Like a broken soul outside, time is running out. What should we do now?

sur le CD The Red Planet. C'est un retour en force après des dizaines d'albums indispensables et surtout avec l'orgue à la Deep Purple. Je veux remercier M. Michel Duncan qui nous a aiguillés sur ces deux CD. Dans leur dernier bloc, on va entendre Ron Boots, la pièce A Sense of Turmoil, Once the Best Settled de l'album, et ensuite Professor Tip Top, la pièce Beneath the Silence sur l'album Tomorrow is Delight. Pour terminer, Night Wind, la pièce The Prayer of Rebecca Choice sur l'album Night Wind. On va débuter. Je peux vous donner. L'album Professeur TikTok m'a pas déçu, mais j'aimais mieux le chanteur. La chanteuse, elle a une très belle voix, mais j'aimais beaucoup le chanteur des deux premiers albums. On peut parler un peu de Night. C'est quoi Night? Ouais, Nightwish? Nightwind? Je comprends pas. Hein? Une minute? Je comprends pas. On va vous faire entendre la pièce du groupe Ron Boots. néerlandais Ron Boots. On vous laisse sur une pièce du professeur Tip Top et de Nightwind. Restez à l'écoute pour l'autoroute avec Jacques Dulac. Bonne fin de soirée. Thank you.